Ici Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. Kawa Thériault et associés, c'est Sénada et Greffe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappellent d'être prudents en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appâtage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On va parler de basketball. On sait qu'il y a un bon bénévole qui c'est un passionné de balle avant tout, mais c'est un passionné également de basketball. Et il a mis en programme il y a 2-3 ans la province de Normandie de basketball. Et ça, l'année passée, on a fait une entrevue, ça allait bien. Cette année, on va savoir un peu comment que ça va. Alors, on est durant la période des fêtes. Question évidemment de faire le bilan de la saison. Salut François. François Potvin, évidemment. Oui, bonjour. François, oui, comment ça va cette année à la polyvalente de Normandin? Ça va très, très, très bien. Là, on est en mi-saison, si on veut. On a la moitié de saison de fête. On est 7 victoires, une défaite. Un très beau début de saison. Là, beaucoup de jeunes impliqués. Le travail là est assez incroyable. Les jeunes comprennent qu'est-ce que ça prend là, pour bien performer. Puis ils ont embarqué dans le programme là, à 100 000 à l'heure. Là. C'est super okay. Le fun. Là. Puis on parle, là, à l'heure où on se parle, on a 14 jeunes là, dans l'équipe. Là. 14 jeunes, puis l'année passée, comme vous l'aviez? L'année passée, on était 10, des fois 11. Là, c'était plus difficile un peu. Mais là, cette année, là, on a beaucoup là, qui ont idée de venir découvrir ça. Là, fait que c'est très encourageant. Puis les 14 viennent de... Je veux dire, c'est rien qu'une équipe. Là, c'est pas les deux équipes. Là. C'est rien qu'une équipe, oui. On a encore juste une équipe. Un programme, là, c'est quand même là, une longue haleine à monter, là. Dans les catégories scolaires, là, on a Benjamin, cadet, juvénile. Là, Benjamin était la plus jeune. Là, nous, on est encore Benjamin cette année. On espère peut-être là, l'année prochaine avoir une deuxième équipe. Là, on va voir selon les instructions, mais on travaille fort pour ça. Là. Ça doit aider quelque part de fait d'avoir une équipe. C'est bien parti que l'équipe gagne surtout. Là. Ça doit aider pour populariser le basketball. Ça, c'est clair. C'est sûr. On dira ce qu'on voudra. On a tout le temps dit l'important, c'est de participer. Mais moi, je me suis toujours permis de dire, alors, c'est donc bien plus le fun de gagner. C'est plus facile. C'est plus facile pour tout. Même pour les entraîneurs. On les fait travailler fort dans les entraînements. Quand il n'y a pas de résultats, comment tu veux expliquer ça? Mais quand les résultats sont là, c'est facile de faire l'équation. Tu leur expliques. On travaille, on gagne. Fait que, tout est plus facile. Ça, c'est sûr et certain. OK. François, je veux dire, t'es-tu comme au baseball? T'es-tu seul à bout de bras à amener de ce programme-là ou encore il y a des gens qui t'aident? Là? On a de l'aide là, à la polyvalente de Normandin. On a Danny Guimond là, qui est responsable des sports étudiants. Là. On a très bon encadrement là, point de vue commission scolaire. Là, c'est assez motivant. Là. J'ai aucun mot à dire là-dessus là, avec Danny. On a une bonne collaboration puis ça avance. Là. OK. Les jeunes qui se présentent, parce que je sais qu'on a parlé au baseball puis on se parle l'été de baseball également. C'est le baseball, il faut que tu y apprennes les rudiments, les règlements. Est-ce que c'est la même affaire au basket? Ouais, au basket, ça va quand même assez vite. Ouais, parce que, OK. Il y a bien moins de stratégie. Il y a moins de stratégie, on va s'entendre. Là. On en amène quand même pas mal. Ça serait surprenant. On a vu qu'on fait beaucoup de pratiques, on pratique deux fois par semaine depuis le mois de septembre. Okay. Je veux pas, les situations de match, on en voit beaucoup plus. Baseball, c'est pas évident à faire des pratiques de situations de match. On pratique des individuels, mais ouais. Situation de match, c'est plus dur un peu. Fait qu'au basket, point de vue situation de partie, là, on est quand même là, on peaufine de plus en plus. Puis la ligue, on a une très belle ligue avec les arbitres, là, c'est. Surtout dans les catégories Benjamin, là, ils font pas juste siffler puis c'est fini. Là, ils sifflent, ils expliquent, ils réexpliquent. On a vraiment un bon personnel d'arbitre. Là, c'est vraiment le fun pour ça. Là. OK. Je veux dire, puis la Ligue, c'est-tu plus fort que l'année passée? Moins fort? C'est quoi? Ça se ressent quand même pas mal. Ça varie énormément. C'est sûr qu'à ces âges-là, tu sais, ça varie beaucoup. Là. Même, tu sais, tu peux avoir une performance, puis deux jours après, tu peux avoir une performance complètement différente, sans, ouais, sans explication. Là. Mais non, on a quand même encore là une bonne ligue, là, sur toutes les équipes, là, de nos... on a perdu un match, là, le seul match qu'on a perdu contre le polyvalent de Charles-Gravel, on a perdu par un point. Okay. Déjà, les jeunes là, ont déjà hâte au prochain match, puis ça tombe bien, là, c'est les deux premiers matchs en revenant de janvier, on joue contre eux autres, fait que les jeunes là, sont motivés, puis ont hâte de reprendre ce match-là. Là. OK, vous jouez dans combien de matchs par pour la saison? On va jouer 16 matchs. OK, on va jouer 16 matchs, OK. Donc, c'est quand même pas pire. Un rythme de quoi? Deux par oui, mois? Quatre par mois? Comment tu veux que... Bon, ça roule quand même pas mal. Là. Comme là, au mois de janvier, on s'est plus tranquille. Après ça, là, février, ça va être deux parties par fin de semaine. Ah, OK, deux parties par fin de semaine. OK. François, ben, quand on a à se déplacer, okay, au Saguenay. Fait que quand on se déplace, on va jouer deux matchs. Ben, juste avant les fêtes, vous êtes venu jouer à Polyvalent 80. J'imagine que ça marche par tournoi, oui, ça, j'imagine aussi. Non, c'est vraiment des parties. C'est ça. Ah, c'est, okay, quand les équipes se déplacent, souvent, ils vont aller jouer plus qu'un match, là, mais c'est. C'est vraiment des parties là, comme une ligue ordinaire. Là. OK. François, tu t'occupes également du baseball. Je sais que je vais faire, écoute, les entrevues sont enregistrées dans le temps des fêtes, évidemment. Donc, sont enregistrées avant la période des fêtes, mais on les met en ligne durant les fêtes. Actuellement, normalement, la prochaine saison se prépare toujours dans l'entre-saison. Ça fait longtemps que tu rêves d'avoir une petite ligue avec des équipes, et même le Saguenay parlait peut-être aussi. Est-ce que ça avance de ce côté-là ou c'est encore au point mort? C'est encore au point mort, là, même que on est déjà pas assez proche. On a commencé à avoir des discussions là, avec Robert Val, puis depuis l'année passée, là, tous les contacts sont morts, là, il y a eu des changements, puis c'est vraiment tranquille. C'est dommage, c'est sûr. Mais en tout cas, de mon côté, j'arrête pas. La pire affaire, ça serait de baisser les bras et d'arrêter. Je continue à essayer de motiver les jeunes le plus possible là, à être sur le terrain de baseball puis s'amuser. Fait que quand la fenêtre s'ouvrira, nous, on va être là, on va être prêts. OK. Ben, François, un gros merci. Ça prend des bons bénévoles comme toi pour que les jeunes s'amusent, les jeunes. Puis, je sais que tu es un passionné de balle, de basket également. Pour plaisir de te servir encore en 2018. Oui, merci beaucoup pour toi. Le responsable du basketball à la Polyvalent de Normandin, François Paul.